Brèves histoires de la culture par Jérôme Clément. Au village sans prétention, j'ai mauvaise réputation. Février 1954, une guitare, une pipe, une épaisse moustache. C'est la consécration pour Georges Brassens sur la scène l'Olympia. Chaque soir, devant 2000 personnes. Il y reviendra en septembre. Cœur tendre, sous un air bourru, le pied sur un tabouret, mais l'œil vif et espiègle, il prend plaisir à choquer le bourgeois avec un humour bon enfant qui n'appartient qu'à lui. Sauf les aveugles, bien entendu. Je ressens une émotion, j'essaie de la traduire avec des mots, et puis je la rumine pendant quelques jours, quelques semaines. J'ajoute quelque chose, j'enlève plus d'ailleurs que je n'ajoute. Et au bout de quelques temps, je ne peux pas aller plus loin. Il alterne des chansons comme la chanson pour l'Auvergnat, des gaillardises comme le Gorille, d'ailleurs interdite à la radio, et également plusieurs adaptations de poètes. En premier lieu, Paul Fort, surnommé alors le prince des poètes, et qui peut remercier Brassens d'avoir adapté Le Petit Cheval, ou Si le bon Dieu l'avait voulu. Mais Brassens interprète aussi Victor Hugo, avec Cassie Belza, l'homme à la carabine, et la légende de la nonne, Francis James ou Verlaine. Ses poésies, qu'il adapte sur des mélodies simples, sont, comme ses chansons, écrites selon des formes traditionnelles, rimées et structurées, avec des retours qui font office de refrain. La ballade des dames du temps jadis, de Villon, ou le fameux « Il n'y a pas d'amour heureux » d'Aragon. Rien n'est jamais acquis à l'homme, ni sa force, ni sa faiblesse, ni son cœur. Et quand il croit... Je n'ai jamais prétendu écrire, faire de la poésie. Vous savez, j'écris ce que j'ai envie d'écrire pour me faire plaisir et pour faire plaisir à ceux qui m'entendent, puis c'est tout. Plus tard, on citera vos textes, comme on peut citer ceux de Paul Éluard, de Valéry, de Boris Vian. Nous verrons plus tard, vous savez, ça. On verra. Il n'y a pas d'amour heureux. Les années 50 et 60 sont particulièrement riches en échanges entre poésie et chansons. L'éditeur Pierre Segers, lui-même poète, avait créé à la Libération une collection fameuse intitulée « Poètes d'aujourd'hui ». Il n'hésite pas à y consacrer un livre à Léo Ferré, puis à Brassens, enfin à Jacques Brel et au Canadien Félix Leclerc, ces deux derniers n'ayant toujours chanté que leurs propres textes. Il n'est pas le seul à alterner mise en musique de ses propres textes et celles de poèmes anciens ou modernes. Léo Ferré, auréolé de cheveux blancs, consacre des albums à Verlaine, Baudelaire et Aragon. Aragon inspire de nombreux chanteurs, tout comme Jacques Prévert. Les Feuilles mortes, Barbara, En sortant de l'école et tant d'autres textes furent des succès à la radio comme sur scène. À la pêche à la baleine, à la pêche à la baleine, disait le père d'une voix courroucée à son fils. Les frères Jacques, moulés dans leur juste corps multicolore, transforme la pêche à la baleine de Prévert en une scénette comique inoubliable. Yves Montand, jouant de sa longue silhouette habillée de noir et de son talent de comédien, donne vie au Sireur de Broadway, à Bakhtin Joe, et nous émeut. Ils ne doivent pas nous faire oublier non plus les prestations de Juliette Gréco, Je suis comme je suis, ou une de mes préférées, Un petit oiseau, un petit poisson, c'est mes d'amour tendre. Cette parenté, ce cousinage entre chansons et poésie est parfois remise en cause. On se souvient d'un plateau de télévision sur lequel Serge Gainsbourg remettait vertement en place Guy Béard sur ce thème, en proclamant que la chanson était une toute petite chose. Il pensait qu'il connaissait le sujet puisque lui aussi avait à ses débuts, dans les années 50 précisément, mis en musique quelques poètes. Je veux dédier ce poème à toutes les femmes qu'on aime. Aujourd'hui, la poésie écrite n'est plus guère reprise par les chanteurs. Les hommages sont désormais rendus aux chansons de Brassens, comme le feront Maxime Le Forestier et Renaud, et même, plus inattendu, Iggy Pop, avec les mélancoliques passantes. La Grande Barbara commença par deux disques de reprise, l'un consacré à Brassens et l'autre à Jacques Brel. Comme s'il lui fallait justifier de sa fréquentation de ces chansonniers poètes, avant de pouvoir s'exposer elle-même avec sa sensibilité à fleur d'âme, son immense talent et ses dons poétiques. Ce que fait Camille aujourd'hui, à sa façon, avec des chansons très poétiques. Et elle dit « J'ai pris conscience que la poésie peut nous sauver de tout, qu'elle est partout et qu'elle nous rend heureuses. » Au nom de la castafiore, au cœur d'artichaut,